auditeurs de Radio Guémozo, je suis Lia, je suis en direct avec toi. Comme tous les lundis et les vendredis, hein, c'est devenu une petite habitude. Nous sommes eh bien, en direct ensemble, il est midi 2 et je serai également en direct avec toi mardi prochain, en plus de lundi et vendredi, mais je t'en parlerai un petit peu plus tard dans cette émission. Aujourd'hui, que va-t-on faire? Eh bien, je vais te passer mes disques, hein, ceux que j'écoute en ce moment. Je vais aussi te donner quelques news locales comme tu les aimes et tu entendras vers midi et demi Carole Deltor qui a gentiment accepté de répondre à mes quelques questions il y a quelques jours. Alors, pourquoi j'ai eu envie de lui en poser des questions? Eh bien, Carole a réalisé un ouvrage se nommant Carnet de confinement à l'air libre. À l'intérieur, elle y a mis des dessins et des écrits, ce qu'elle a réalisé pendant le premier confinement. Et Carole avait d'ailleurs partagé avec les internautes et avec moi lors de mon appel à témoignage, si tu t'en souviens. Voilà, voilà pour le plantage des décors. J'ai envie que l'on se lance, eh bien, direct dans l'ambiance avec le premier disque que je t'ai choisi. Il s'agit, alors je vais m'accrocher pour l'accent, de Can't Put It in the Hands of Fate de Stevie Wonder. Il a été très très bien accompagné, Stevie Wonder, sur ce titre. Je te dis à tout de suite. Don't repeat her. Many years a slave, took notes from Lupita. You should marvel at the fight in me. Feel like Anita. Apologize, you denied my people. Made our death legal. We all paralegal. Gotta defend ourselves when the laws ain't equal. Cops aim lethal. Death in cathedrals. Bang, bang, boogie. You can die wearing a hoodie. Alright, sometimes we gotta find our creative. I defeated Father Time, was raised by Mother Nature. In the projects, tenement walls, sudden withdrawals. A true rebel, it's easy to spot the government flaws. Mass confusion, people in power commit collusion. Indoctrinated students, I'm the leader of the movement. Take lifetimes, trying to duck the school to prison pipeline. Disenfranchised, amazing I'm in my right mind. Create change, survive, struggle to maintain. So many lies within the campaign, a damn shame. I'm thinking how will we survive when the freedom that we have is a facade. Yeah. Can't put it in the hands of fate. Ain't nobody got time to wait. Come on. hit the ground, and so we gotta take a meal. Mothers, Mr. Kids, attorneys say they gotta take a deal. They determine that the price of life is just a couple mil. And bricks are meant to build, and fire is meant to light, and souls are meant to rest, and living soldiers gotta fight. We don't need no politics to try to justify the plight. It's the problem of the people, it's no longer black and white. We ain't talking no more, we getting to it. Can't put it in the hands of fate, that's how we do it. Now let me go and get with all of my people. You know I have to get there, it's showing sacrifices. Like my brother Colin Kaepernick, opportunities that I get to talk. You know I have to spit, Breonna Taylor turning the grain. You know we have to get justice. Now stay in your place, you still focus on the outcome of George Floyd case. Why you out here doing the minimal? Everything about us still live by the principle. Can't put it in the hands of fate, ain't nobody got time to wait. Now you really truly get it. I say, how what you do will let me know. You say, I'm so ready. I say, let's do this. And I just put it in the hands of me. Can't put it in the hands of fate. Ain't nobody can't got time to put it in the hands of fate now, baby. Can't put it in the hands of fate. Ain't nobody got time. Voilà, j'aurais retenté. Qui ne tente rien n'a rien, on dit. Voilà, il faut que je m'améliore un jour, peut-être. Il faut y croire. Tu es au bon endroit, tu es avec moi sur Radio Guémozo, sur le 107, ou peut-être depuis Radio Line ou Orange Radio. J'ai découvert ce matin qu'on pouvait écouter Radio Line, également depuis son ordinateur, en plus de son smartphone. Hein. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui n'utilisent pas d'application sur leur téléphone ou qui n'en ont pas. Voilà, je te remercie d'être avec moi, auditeur, pour passer ce moment avec moi. Bah oui, seul, ça serait quand même un peu moins drôle. Hein. On commence notre tour d'horizon des news, des potins locaux. Oui, oui, je sais, je suis en forme aujourd'hui. C'est la médiathèque de Dommartin, les Remiremont, qui nous informe que ces locaux accueilleront du lundi au vendredi, hein, sauf le mercredi, les enfants inscrits en garderie périscolaire à partir de janvier 2021. Alors, c'est tout nouveau. Le personnel de la médiathèque intercommunale de la Porte des Vosges méridionale continuera de recevoir le public maintenant les mercredis de 10h à midi et aussi de 14h à 18h les vendredis de 10h à midi jusqu'au 30 juin. Les collections de la médiathèque seront uniquement constituées de documents d'enfants. Lors des ouvertures au public, il sera donc possible de retirer tout type de documents réservés dans les autres médiathèques du réseau, ça c'est bien pratique, d'emprunter des documents du fonds enfant, de souscrire un abonnement valide dans les médiathèques du réseau et d'accéder gratuitement à Internet. Alors c'est un jour max, mais bon, ça sert quand même. Les visites de classe de groupe seront toujours possibles sur rendez-vous. Ils nous disent au plaisir de vous retrouver dans nos locaux partagés. Voilà, je trouve que c'est une bonne initiative, ça. Je te parle d'un sujet complètement différent maintenant, hein, de l'auto-entreprise L'Éducataire. Auto-entreprise en EEDD, alors c'est éducation à l'environnement vers un développement durable. Ils ont décidé de me mettre des noms à rallonge aujourd'hui, qui réalisent entre entre autres un accompagnement jardinage écologique vers les particuliers. Il mêle des principes écologiques et de la permaculture, par exemple de la réalisation structurelle globale du jardin, zone de compostage, but, etc. Alors c'est écologique et utile, et ces prestations, eh bien, elles peuvent être une idée de cadeau à offrir à l'occasion des fêtes, et ça je trouve que c'est bien cool quoi. Confection de cartes cadeaux sur demande, tu contactes Johnny, l'éducateur@hotmail.com. Alors leducaterre@hotmail.com, ou tu le contactes directement au 07 68 09 87 21. Voilà. Je ne résiste pas à mon envie de te passer mes deux prochains disques, qui sont cette fois-ci Swing Thing de Boogie Belgique. J'ai du mal aujourd'hui, il faut que je me remette dans le truc là. On la refait. Je ne résiste pas à mon envie de te passer mes deux prochains disques, qui sont cette fois-ci Swing Thing de Boogie Belgique. Mais on commence par Glace on Stone de Thor pour de la drum thérapie. Allez, on s'écoute ça et on se retrouve juste après. Ne bouge pas. need no faith. She gave you faith. Got that sweet. Ce deuxième son, et j'espère que peu importe où tu te trouves, tu as dansé le boogie. Voilà, j'y tenais. J'espère que tu l'as fait. Coup d'œil sur les marchés de Noël. Hein. Bah oui, c'est vraiment le moment d'en parler. On est en plein dans le sujet. Là, on commence par les marchés couverts qui s'adaptent pour les fêtes. Voilà, suite à de nombreuses annulations des marchés de Noël sur l'ensemble des départements, eh bien certains producteurs ont plus de mal à écouler leurs marchandises avant les fêtes. Toutefois, plusieurs marchés couverts alimentaires s'adaptent et accueillent de nouveaux producteurs locaux, à l'image des villes de Remiremont et Neuchâteau. Alors bien sûr, on va s'attarder sur Remiremont avec le marché couvert, les halles volontaires. C'est pas vrai, c'est Noël aux volontaires, et voilà, ça se passe bien. On les a rencontrés, les producteurs, ils sont super sympas en plus. Voilà, n'hésite pas à aller faire un tour. La préfecture a également donné l'autorisation d'ouvrir le marché de Noël à Gamvert du 11 au 24 décembre de 9h à midi et de 14h à 19h, ainsi que les dimanches 13 et 20 décembre de 14h à 18h. Pardon, ça sera la quatrième édition dans les locaux de Gamme Vert et ça se passe à Remiremont, à Plombières, et bien du 18 au 31 décembre de 14h à 18h, vous retrouverez une trentaine d'exposants devant la mairie. Et l'espace Berlioz et rue Cavour, voilà. En plus, c'est vrai que ce marché de Noël de Plombières était juste féerique, hein. C'est un des plus beaux de France, il me semble. C'est très très atypique. Bon, je suppose que ça ne sera pas, sera pas le goût des années d'avant, mais en tout cas, il y a quand même des choses qui se préparent. Vous pouvez retrouver les petits producteurs et artisans locaux pour vos cadeaux de Noël, et ça, ça fait bien plaisir. Pensez à eux. Les après-midi du village des commerçants et artisans, justement, auront lieu à Gérard. Gérardmer, en lieu et place du traditionnel marché de Noël. Gérardmer Animation organise, eh bien, ce marché des artisans, commerçants et producteurs locaux sous la forme d'un village de 18 chalets qui proposera des produits variés et de qualité, par exemple, attention, bon appétit, fromage, vin, charcuterie, et, bon là ça se mange pas, mais artisanat du bois, du cuir, savon, bougies, peinture, décoration, souvenirs, etc. etc. Et ça se passe quand? Eh bien du 18 décembre au 2 janvier, tous les jours de 14h30 à 18h30. Bon, 2 janvier, t'as vraiment manqué les achats de Noël, t'es vraiment vraiment à la bourre, mais t'inquiète pas, tu peux le faire quand même, quoi. Non, ça fait plaisir. À la Bresse, eh bien, je vous en parlais lundi, toutes sortes d'animations vont être proposées, et Marion a eu Sophie de la mairie de la Bresse au téléphone pour t'en parler, alors bah, je te propose qu'on écoute tout ça. Avec moi ce matin, je reçois Sophie Totoli, responsable animation de ville et marché hebdomadaire à la Bresse. Bonjour Sophie. Bonjour. Comment ça va? Écoutez, ça va bien. Ça va bien, on a de la neige, il fait beau, les chalets viennent d'arriver, donc pour l'instant, on croise les doigts, tout va bien. Voilà, ça fait des bonnes nouvelles pour l'instant, pourvu que ça dure. Et une autre bonne nouvelle, on espère que ça va durer, c'est le marché de Noël à la Bresse. Alors, vous pouvez nous en parler? Alors, ce marché de Noël, on l'espérait, on croisait les doigts pour qu'on puisse le faire. Donc, on n'a déjà pas pu faire les deux premiers week-ends, donc on croisait les doigts pour les vacances de Noël, pour donner quand même un petit peu la magie de Noël à notre ville, et puis aussi apporter un petit peu d'animation pour les personnes, enfin les touristes, en tout cas les vacanciers qui seront sur la Bresse sur cette période-là, et aussi pour nos locaux. Alors, qu'est-ce qu'on pourra retrouver sur ce marché de Noël? Les classiques, hein, les chalets, des animations? Oui, oui, alors on a prévu un programme allégé, hein, forcément. On va éviter quand même trop de rassemblements sur, mm-hmm. sur le marché. On a fait un aménagement, on a mis un protocole sanitaire en place assez draconien. On compte aussi sur la responsabilité de chacun, et on a autour de ce marché gardé quelques animations, dont des soirées musicales. On en fera 4 sur les 2 semaines. On a gardé la journée avec la photo du Père Noël qui est attendue par beaucoup beaucoup de monde. Et puis on ne fera pas malheureusement le lâcher de lanterne, parce que ça rassemblait la foule était trop intense. Mm-hmm. Donc on a privilégié les feux d'artifice, où ça nous permet aussi de à ce que les gens soient un petit peu étalés dans tout le centre-ville et pas forcément sur le marché trop serré, quoi. Mm-hmm. Vous pouvez nous dire quand auront lieu les concerts musicaux? Alors nous, les 4 dates, ce sera donc le lundi 21, mercredi 23, lundi 28 et mercredi 30. D'accord. Voilà. Ce sera quel style de musique? Alors les 2 lundis, c'est plus un esprit guinguette avec l'accordéoniste Alexis Ballandier. D'accord. Et les mercredis, ce sera un peu plus festif, un peu plus, comment vous dire, un peu plus rock avec le groupe Mister Frank, un groupe qui est fortement apprécié sur nos animations à la Bresse. D'accord. Et les feux d'artifice, ce sera quand? Alors les 2 soirées de fête, on va dire le 24 décembre et le 31 décembre. D'accord. À 18h, même pas à partir, à 18h. D'accord. Et ils dureront combien de temps? Ouais, c'est un feu d'une durée de 6-7 minutes à peu près. D'accord, bon, bah, un petit moment sympathique, voilà. Avant d'aller passer les fêtes en famille, on espère que tout se passera bien. Oui. Voilà, c'est ça, on va résumer ça comme ça. Et on a aussi la fameuse photo du Père Noël, où le Père Noël donc sera présent jeudi 24 à la Bresse, entre 10 et 12 et 14 et 16 heures, avec pareil, des distanciations sociales, un respect sanitaire. Et puis des familles qui pourront poser avec le Père Noël, bah, à distance de 2 mètres, personne ne pourra aller. Ne pourra malheureusement s'approcher de Père Noël. Voilà, c'est ça, il n'y aura pas la fameuse photo sur les genoux du Papa Noël. Ah, on ne profitera pas des genoux du Père Noël cette année, non. On verra l'année prochaine, on espère. On croise les doigts. Et vous parliez tout à l'heure du protocole sanitaire, vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, on a mis un protocole sanitaire en place avec, déjà la partie entrée-sortie, on a un sens de circulation sur le marché. On va forcément, on a toujours le gel hydroalcoolique dans chaque chalet. On aura également le port du masque, mais ce qui sera aussi, ce qui change cette année, ce qui sera peut-être un petit peu plus compliqué, mais qu'on va totalement gérer grâce à la participation des exposants, c'est qu'on maintient nos chalets de restauration, de vin chaud, mais tout en drive. D'accord. Que les gens pourront venir acheter sur place, mais aucune consommation immédiate. Chaque exposant a joué le jeu en achetant l'emballage pour tout ce qui est crêpes, gaufres et flammenkuchen. Et puis pour les vins chauds, ils auront des gobelets avec un couvercle et pourront donc sortir du marché pour aller consommer. Voilà ce qu'ils ont acheté. Voilà, donc on pourra acheter, se faire plaisir si on a envie de vin chaud, oui. Mais on ne pourra pas déguster sur place. Immédiate, voilà, c'est ça. Le souci de cette année, mais bon, on fera avec. Je pense que chacun comprendra et chacun respectera ça. En tous les cas, il faudra. On n'aura pas le choix. Oui, et puis si on veut que tout se passe bien, il faut respecter tous ces gestes barrières. Si on respecte, ça, on peut maintenir des événements comme le marché de Noël cette année à la Bresse. Voilà, c'est ce qu'on a fait nous depuis cet été. On a toujours conservé nos animations dans le respect du protocole sanitaire. Chacun a joué le jeu, chacun était responsable. Donc on croise les doigts pour que ça se passe très bien à Noël et que tout le monde puisse vivre des moments un peu de bonheur et de joie sur cette période un peu compliquée. Eh ben, en tout cas, on l'espère. Merci Sophie de nous avoir accordé ces quelques minutes pour parler du marché de Noël. Avec plaisir. Merci à vous. Merci. Merci Marion et Sophie. Pas de photos sur les genoux du Père Noël, mince. Bah, on s'en doutait un petit peu. Mais moi, je propose, je sais pas, une photo dos à dos avec le Père Noël, un truc innovant, non? Ou avec une vitre plexi au milieu, non? Non? Non? Ok, bon, non. Allez, on continue. On continue avec les Vaujons du Talent, comme le dit un internaute. Pourquoi? Eh bien, Gerbamont, il y a 2 médailles d'or pour la ferme de Léjol au concours international de Lyon. Donc cette ferme, elle se trouve à Gerbamont, tu l'auras bien compris. Au concours international de Lyon, la ferme de Léjol ne s'est pas contentée d'une médaille d'or. Elle en a décroché 2, d'une part avec sa tome fermière aux fleurs et d'autre part avec sa tome fermière à l'ail des ours. 2 fromages au lait de vache à pâte pressée non cuite. Ces 2 distinctions font la fierté de l'ensemble du personnel de la ferme dirigée par la famille Poirot. Bah bien entendu, on leur tire notre chapeau. Moi, j'aimerais bien goûter un bout de ces tomes-là, surtout aux fleurs. Je sais pas, ça m'inspire, ça. Allez, c'est le moment évasion avec le prochain disque que je t'ai réservé, auditeur. Il s'agit de Captain Planet en feat avec Shonguzo pour Big Man. Un petit air de Lolomis, j'ai trouvé. Je me suis dit, tiens, ce son, je le connais déjà, mais non. Ça m'a tellement fait penser à Lolomis, ce groupe local que l'on connaît très bien sur les ondes de Radio Guémozo. Je te laisse écouter ça et on se retrouve juste après. I'm who they all wanna be. Littéralement, j'adore ce son. J'étais en train de danser comme une folle, pour tout avouer, dans les studios de Radio Guimauzo. J'ai improvisé un petit pogo, mais tu sais, le pogo pisse, tu vois, le pogo l'eau d'Agaïa, tu vois, plutôt. Est-ce que ça serait pas le moment d'écouter Carole Deltan nous parler enfin, eh bien, de son carnet de confinement à air libre? J'ai 5 minutes de retard sur le time, mais ben franchement, je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. Allez, on écoute Carole. Carole Deltan, qui va bientôt sortir son 4e livre, et pas n'importe lequel, il se nomme Carnet de confinement à air libre. Ça donne le ton. Bonjour Carole, comment ça va? Bonjour Lia, ça va très bien. Eh ben c'est super. Alors on vous appelle où là exactement, parce que je ne sais même pas où vous vous situez? Alors moi je suis à Niederholzbergen, c'est à côté de Strasbourg. D'accord. À Strasbourg, voilà. En Alsace alors? En Alsace, voilà. Ok. Dans un petit village qui fait partie de la CUS, donc où on est proche de la ville mais entouré de nature. Oh, ça c'est chouette. Alors Carole, je vous cite, ironie de la vie, ce livre a vu le jour durant le premier confinement et sortira pendant le deuxième. Un beau pied de nez, j'ai envie de dire. Bah oui, en fait, voilà, je m'étais dit qu'il pouvait encore un peu attendre ce livre avant de prendre cher en papier. Mais voilà, ça m'a paru comme une évidence dès le moment où on a eu l'annonce du deuxième confinement. Je me suis dit, ok, là, ça devient nécessaire. Oui. Si ça peut voilà, aider les gens, faire un rappel de poésie, d'une autre manière de voir les choses, c'est maintenant. Alors cet ouvrage, il est particulier parce que il allie les écrits et le dessin. Qu'est-ce qu'on retrouve du coup dans cet ouvrage? Alors le principe, en fait, c'était d'utiliser cette heure, notre unique heure officielle de liberté, pour dessiner, pour sortir autour de chez moi, en fait. Donc j'ai vraiment fait un tout petit tour autour de la forêt, et l'idée c'était de trouver un point de vue différent chaque jour sur un même chemin un peu rituel comme ça, et d'écrire les pensées du jour, une réflexion sur ce qui est en train de se passer, une politique sociale, peu importe, en tout cas ce qu'il y avait à dire ce jour-là. D'accord. Est-ce que vous avez tout de suite eu dans l'idée de faire de tout ce que vous voyez, de faire de tout ça un ouvrage? Est-ce que ça a tout de suite été l'idée ou pas vraiment? Le premier jour, je suis partie dessiner, je me suis dit, ok, je vais me donner ça comme rituel, ça va me faire tenir pendant les jours qui vont passer. Et au bout d'un certain temps, je me suis dit, je pense que ça va devenir un livre. Mais c'est vrai qu'au départ, vu qu'on avait une annonce de 15 jours, je m'étais pas du tout dit ça. Oui. Oui. Le temps faisant, voilà, ça m'a paru comme une évidence parce que, voilà, j'aime faire des livres. Oui. Et j'en ai senti la nécessité, oui. Donc, à travers ces dessins, donc c'est tout ce qui vous entoure à ce moment précis qu'on retrouve. Alors, je vous cite, vous avez vu aussi la nature se transformer au fur et à mesure des jours, et ça, c'est super chouette. Est-ce que vous preniez toujours le même décor ou non, pas du tout, vous dessiniez sur ce qui vous inspirait sur le moment? C'était vraiment le même chemin que je prenais tous les jours. Oui. Un chemin que, au départ, je trouvais pas très intéressant avant ce confinement, et qui tout d'un coup s'est révélé comme le seul espace de liberté et m'a paru plus beau chaque jour à force de le regarder. Et donc je me suis arrêtée à 3 mètres de différence ou 5 mètres de différence chaque jour, voilà, sur le même vraiment petit chemin. Donc c'était toujours le même endroit. Après, les moments exceptionnels où il pleuvait, où j'ai pu dessiner depuis l'intérieur, depuis chez moi, des vues depuis dehors. Mais sinon, c'était toujours vraiment le même espace. Ouais. C'est chouette ça de dire que voilà, on prend conscience à ce moment-là quand on est entre guillemets privé de liberté, de la beauté de ce qui nous entoure, alors que dans la vie de tous les jours, on est complètement passé à côté. Et là, qu'est-ce que c'est merveilleux de pouvoir regarder tout ça. Quelle est votre technique de dessin? J'ai l'habitude de dessiner au stylo noir et au crayon de couleur aquarellable, oui. Souvent sur du papier recyclé. Et là, j'ai fait beaucoup d'aquarelle. D'accord. Donc, j'ai mêlé les deux. Et parfois du stylo aussi. Il y a un peu trois styles dans l'ensemble des jours. Alors, on parle beaucoup des dessins. Est-ce qu'on peut passer au côté écriture? Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces écrits? Il y a autant des forme poétique où je me suis amusée à par moments faire des alexandrins, que des haïkus aussi. J'ai essayé de faire des haïkus. C'est quoi des haïkus? Les haïkus, c'est des poèmes japonais en trois lignes. Ah, c'est chouette. Très très court. Oui. Voilà, donc j'ai repris ces formes-là à certains moments. J'ai cité quelques auteurs aussi parfois. Il y a 2-3 fois où j'ai fait des citations de poésie d'autres gens. Et sinon, c'est des textes voilà, qui peuvent avoir un peu plein de formes différentes, plutôt en mode roman ou pensée du jour, comme écrivain voyageur un peu, quoi. Ok, ça fait un petit peu livre intime. Ah oui. Là, pour le coup, j'aurais pas imaginé révéler comme ça des choses, surtout que je les mettais chaque jour sur Internet. Voilà, pour le partager aux gens qui, j'imagine, n'avaient pas de nature, oui. Pour leur donner une ouverture un petit peu. Et c'est vrai que, du coup, c'est les pensées intimes, les peurs, les coups de gueule, voilà, tout ce qui sort, en fait, qui est là au moment où, oui. Où c'est nécessaire de le sortir. Et donc, c'était quand même assez intime, effectivement. Est-ce que c'était un vrai exutoire, un moment où... Complètement. Oui. Et ça fait du bien. C'était un vrai exutoire, et c'était aussi par moments une grosse contrainte, parce qu'il y avait évidemment des jours où j'avais pas forcément le moral, oui. Pas du tout envie d'aller dessiner. Mais le fait que certaines personnes me suivent, il y avait quand même pas mal de gens qui suivaient voilà, ce quotidien, ça me donnait le courage d'aller quand même dessiner pour les autres, en fait. Et de me dire, ok, j'ai pas envie, mais j'y vais quand même. Ah, c'est chouette. Et à chaque fois, il sortait des choses intéressantes. Et donc, j'étais contente de ce moment. Oui, ça permet une véritable introspection, là, du coup, pour vous. Oui, c'était très intéressant pour moi, je pense pour les autres aussi, parce que ça faisait comme un écho aussi à des pensées. Oui. Et ce qui était très chouette, c'est que les gens réagissaient, m'envoyaient des mots. Donc dans le livre aussi, il y a 3 parties vraiment pour chaque journée. Il y a le texte que j'ai écrit, le dessin et une réponse c'est chouette. Qui vivaient. Donc voilà, il y a plein de pensées de personnes différentes qui m'ont envoyé ou des citations ou ce qu'ils avaient vécu eux aussi d'étonnant dans la journée, des moments de regard particuliers, des moments de tristesse, voilà, des remerciements, enfin plein de choses. Et du coup, c'était comme un partage, quoi. Ah oui. Pas seulement introspectif, c'était aussi vraiment comme réussir à rester en lien aussi avec l'extérieur. Ah oui. Oui, oui. Par quelque chose de très personnel. Un vrai échange. Et qui a invité aussi les gens à me raconter eux leurs états d'âme. Oui. Et ça faisait du bien à ce moment-là, parce que, enfin, je l'ai vécu aussi, parce qu'on pouvait échanger avec les autres sans forcément les voir, mais ça rompait un petit peu cette solitude qu'on pouvait ressentir à certains moments d'échanger sur tout ça. Et ça faisait vraiment, vraiment du bien. On peut revenir un petit peu sur votre parcours. Vous dites que voilà, c'est votre 4e roman. Comment vous êtes lancée dans tout ça? toute première fois, c'était à Buenos Aires, j'étais en voyage. Et je ne sais plus vraiment comment c'est venu, mais j'ai commencé à dessiner. Ah si, j'ai commencé à dessiner la ville parce que je dessine depuis toujours et voilà, dès que je me déplace, je dessine. Je dessine souvent en voyage en fait, très peu chez moi. Donc là, c'était nouveau, du coup, de dessiner à côté de chez moi. Et donc là, j'étais à Buenos Aires, j'ai rencontré une fille qui publiait des livres. Et qui m'a dit, mais tous tes dessins, ils sont super, pourquoi tu n'écris pas? Pourquoi tu ne racontes pas ce qui se passe? Et tu pourrais en faire un livre. Et elle m'a donné cette idée et c'était parti. Donc j'ai fait un premier grand livre sur 3 mois de voyage à Buenos Aires, où j'ai écrit aussi, pareil, tout ce qui se passait, l'histoire de la ville, la situation politique et autres. Et j'en ai fait un ouvrage qui s'appelle Au quotidien. Oui. Et puis ensuite, ben voilà, quand on commence... À éditer des livres, on devient pas dépendant, mais on aime ça. Et du coup, j'en ai fait un deuxième avec un poète, Sébastien Hoffman, avec qui je suis partie en Sicile, dessiner les volcans. Donc, quelques années plus tard, j'ai fait un deuxième livre qui s'appelle Entre les îles, vision éolienne. Et le troisième, c'était encore autre chose, c'était lors d'un voyage en Turquie, à Istanbul, avec une amie, et on était chez des gens qui nous accueillaient, avec une petite fille avec qui c'était difficile de communiquer parce qu'elle parlait pas anglais. Oui. Et tout d'un coup, je me suis dit, ah, mais il faut que je montre mon pays, comment c'est chez moi, par le dessin. Wow. Et là, j'ai eu l'idée de faire un carnet de coloriage avec plein de pays différents, sans texte, qui pourraient, voyager et parler aux enfants de comment c'est chez les autres. Ouais, c'est chouette. Et voilà, ça c'était le troisième livre, un carnet de coloriage de voyage. D'accord. Est-ce que vous avez suivi une formation pour apprendre à dessiner ou vraiment c'est en autodidacte? Alors le dessin c'est plutôt en autodidacte. Après j'étais aux arts décoratifs de Strasbourg. Oui. Donc j'étais plongée dans le monde plastique pendant un certain temps. D'accord. Mais j'étais en section bijoux, rien à voir. Ah oui. Sculpture plutôt. La sculpture et voilà, vidéo, performance, d'autres choses. Et le dessin, ça a toujours été quelque chose de personnel qui était à côté. Ouais, c'est chouette. C'est chouette. En tout cas, c'est un très beau message et vraiment beaucoup de réconfort quand on regarde tout ça. Ça fait plaisir aux yeux, en tout cas. Carnet de confinement à l'air libre, il est imprimé en France. Et là, voilà, vous disiez que... Ouais, c'est ça. Et vous disiez que vous en étiez très fiers parce que ça se fait de moins en moins, l'impression en France. Évidemment, ça coûte beaucoup moins cher d'aller imprimer ailleurs. C'est sûr. Donc, la plupart des gens préfère avoir un coût plus bas, donc j'ai essayé de trouver un compromis entre quelque chose qui soit viable et qui soit pas trop cher non plus du coup à l'achat pour les personnes qui seraient intéressées. Et oui. Ça monte le coût évidemment, mais qui soit imprimé en France avec un super beau papier de belle qualité. Et donc j'avais trouvé deux endroits qui me plaisaient bien et j'en ai choisi un des deux pour super. Ce livre là. Super. Je suis très contente. Mais oui. Si jamais on veut se procurer ce carnet de confinement à l'air libre, ça se passera où? Alors, pour l'instant, ça se passe sur mon mail. Oui. vu que les librairies n'étaient pas ouvertes. Et là, je vais travailler avec des librairies pour le sortir et faire des petits événements, des lectures, des choses comme ça. Oui. OK. Donc, à Strasbourg, il y a une librairie avec laquelle j'aime beaucoup travailler. C'est la librairie des Bateliers. Oui. Et la librairie Totem aussi à Schlitigen, il y en a plusieurs. Et vu que je suis en auto-édition, c'est vrai que je le diffuse par mon biais. Il sera aussi à la Semencerie, qui est un atelier d'artistes à Strasbourg, oui. Où il y aura un marché de Noël des créateurs. Et sinon, c'est sur mon mail, caroledeltor@yahoo.fr, où on peut m'envoyer un petit message et je peux envoyer ce livre. On ne manquera pas de communiquer cette adresse mail parce que ici nous on est dans les Vosges, alors je sais pas trop si certains d'entre nous vont aller jusqu'en Alsace, on sait pas, hein, c'est pas si loin. C'est pas si loin que ça, il y en a qui aiment, je sais pas si on a trop le droit encore pour l'instant. Donc on diffusera cette adresse mail, auditeur, si jamais tu veux te procurer ce livre incroyable. En tout cas, c'est vraiment un très très beau projet. Si on veut vous suivre sur les réseaux sociaux, c'est possible, j'imagine. Oui, alors j'ai un pseudo qui s'appelle Kroltis, KRO2LTI2S, et là-dessus on peut retrouver en fait tous les dessins, tous les textes, parce que c'est là où je les postais chaque jour. D'accord. Pour qu'il soit public. Super. Voilà, donc c'est possible d'aller voir. Ok. Je vais dessiner. Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours? Des projets libres, j'en ai toujours un certain nombre dans la tête depuis des années en fait. Et voilà, je dirais que tous les 4 ans, il y en a un qui sort. Oui. Mais il y avait, j'avais commencé quelque chose sur les chemins aussi, sur la nature sans l'homme. Ou la nature façonnée par l'homme, mais sans l'homme directement visible. Oui. Sur plusieurs années, en fait, où j'ai fait pas mal d'aquarelles dans plusieurs régions en France. Et voilà, un jour, je pense qu'il y aura quelque chose qui sortira comme ça. Cool. Ce serait le prochain. Ouais, super. Eh bien, on ne manquera pas de se tenir informé sur vos futurs projets. Moi, j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour ce que vous proposez. Vous aviez répondu à mon appel à durant le premier confinement. J'avais fait un appel à tous ceux qui voulaient partager un petit peu avec nous ce qui se passait. Et c'est là qu'on s'était rencontrés, hein, ben, par mail, bien sûr. Pourquoi pas pour de vrai un jour quand tout ça ira mieux. Plaisir. Puis vous amenez le livre. Ah oui. Merci beaucoup en tout cas, Carole, d'avoir répondu à mes quelques questions. On vous souhaite plein de bonnes choses et puis voilà, on se garde à vue, si je puis dire. Super. Bah, à bientôt. Merci beaucoup. Bonne suite à vous aussi. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci Carole. Quand tu te rends compte que ton tic de langage a clairement muté, hein, on est passé de d'accord à toutes les deux secondes, c'est chouette, pourquoi pas, et aussi que tu as vraiment un très fort accent vosgien, eh ben c'est bien quand on s'écoute en fait. J'apprends une nouvelle incroyable aujourd'hui, non, c'est vraiment l'info qui vient de tomber là, c'est la journée aujourd'hui internationale de la montagne. C'est une occasion de célébrer la riche biodiversité qui existe en montagne, nous dit l'office du tourisme de la Bresse. Aussi belle que fragile, elle offre un cadre de vie, une biodiversité, un paysage exceptionnel et nous devons tous participer à sa préservation. Ça, c'est vrai. Allez faire un tour sur l'office de tourisme de la Bresse, ça se passe sur Facebook. Il y a un petit lien, tu cliques dessus et tu pourras observer des montagnes. Il y a plein de choses très très belles à voir. Voilà, je t'invite à y aller faire un tour. Allez, on continue en musique avec Bedroom de Litany. Surtout, ne bouge pas, on se retrouve juste après. I wanna call you, what's your number? Do you wanna meet me the day after? I saw you look over your shoulder. I need to know now, are you gonna come around? I need to know. Come to my place, then we can talk about the weather. Merci à toi, auditeur, d'être avec moi sur Radio Guémozo. Je le trouve d'une fraîcheur, ce son. Voilà, ça met un bon coup de good vibes, je trouve, moi. Allez, viens, on va faire un tour côté news culturelle. L'Institut National de l'Audiovisuel et la région Grand Est présentent la fresque pédagogique Panorama Grand Est. Je te l'ai dit, ils m'ont donné des noms à rallonge aujourd'hui. Conçue et réalisée avec le concours d'enseignants des académies de Strasbourg, Nancy, Metz et Reims. Et cette plateforme, eh bien, elle est accessible depuis le 8 décembre sur https://fresque.ina.fr. Cette grande fresque régionale retrace l'histoire et la culture du Grand Est. C'est là que ça m'a intéressée. Elle s'inscrit dans une double démarche pédagogique et d'éducation aux médias. Originale et intuitive, cette interface propose de découvrir un très large plan de la mémoire et de l'identité singulière du territoire par le biais d'archives audiovisuelles, mettant notamment en avant des contenus transcrits et traduits en langue régionale. Alsacien, champenois, lorrain, welsh, plat. Il y en a que je connais pas du tout. Panorama Grand Est s'adresse à la fois au grand public, aux enseignants et aux élèves des lycées de la région Grand Est qui bénéficient d'un espace numérique de travail en accès réservé. Et ce contenu est enrichi à partir d'une sélection d'archives audiovisuelles conservées par l'INA à travers des contextes historiques et médiatiques. Et voilà, j'ai trouvé vraiment ça très intéressant. Il y a plus de 300 documents organisés en parcours thématique et pédagogique basés sur les programmes scolaires du lycée général et professionnel qui seront à terme mis en ligne. Du coup, eh bien, j'ai fait ma curieuse et j'ai quand même appris un truc de dingue. 10 millions de dollars, c'est ce que vient de payer le Congrès américain pour acquérir l'original d'une carte géographique datant de 1507, une map monde unique où pour la première fois de l'histoire figure l'Amérique, un trésor unique qui a été dessiné à Saint-Dié-des-Vosges. Moi, je trouve quand même que ça valait le détour, cette information. Voilà, c'était mon information coup de cœur. Voilà, je vais faire une rubrique information coup de cœur. Non, je rigole. Je te propose, éditeur, eh bien, de mettre des couleurs dans ce moment que l'on passe ensemble. Pourquoi pas en aquarelle? C'est marrant parce que Carole nous en parlait tout à l'heure. Eh bien, je te propose justement aquarelle avec ce titre de Soulance. On se dit à tout de suite. C'était chouette ça. On est vendredi 11 décembre, on est en direct, il est 13h. Oui, je pense que je suis à la bourre. Eh bien, c'est bientôt le moment de se quitter pour aujourd'hui. Mais avant ça, eh bien, je te donne quand même, on part ensemble direction 7e art. Eh bien, le 28e Festival International du Film Fantastique de Gérardmer se tiendra du 27 au 31 janvier 2021. Mais alors cette fois-ci en ligne. Ben oui, à cause des conditions sanitaires actuelles que l'on connaît tous. Et voilà ce qu'ils nous disent. Alors je cite, hein, on devine, dans 2021, nous entrons dans la 4e dimension en proposant un festival intégralement en ligne. La crise sanitaire nous oblige à cette exigence. Le cinéma fantastique a toujours anticipé la réalité comme aucun autre art, faisant de l'incertitude de notre devenir la certitude du présent. Nous souhaitons tirer parti de cet immense champ de possibles à l'image de l'affiche de cette nouvelle édition qui nous montre que de l'inconnu peut naître l'insoupçonné. Le virtuel permet une alternative au réel propice au cinéma fantastique. Ce festival dématérialisé favorisera la création et l'expression de toutes les formes cinématographiques de ce genre qui seront accessibles en un clic. Cette édition couvrira ainsi la totalité des sections du festival, à l'instar des années précédentes. La compétition et ses enjeux artistiques, les avant-premières en exclusivité, la nuit décalée et sa fantaisie, Rétromania et ses films cultes, les courts-métrages et leurs promesses d'avenir et les rencontres avec tous nos invités honoré. Tous les jurys seront au rendez-vous. Le jury de la critique, le jury court-métrage, le jury jeune et bien sûr le jury long-métrage. Le public, donc toi auditeur, pourra également voter pour son film préféré et décerner son prix comme chaque année. Les films seront visibles via une plateforme dédiée développée par leurs partenaires pour cette édition unique, Festival Scope et Shift 72. Voilà, j'ai trouvé que c'était tellement bien dit, bien écrit. Bon, c'était un petit peu moins bien lu, mais voilà, aujourd'hui, je fais comme je peux, là. Une dernière info, voilà, info de dernière minute, ouverture de la station samedi 12 et dimanche 13 de 9h à 16h30, la station de Gérardmer. Et voici les activités proposées pour ce week-end. Alors, du tubing de descente, donc tu pourras faire des descentes de tubing. Alors, éclairez-moi, je ne sais pas ce qu'est le tubing. Tu pourras faire de la luge. L'espace loustique sera ouvert, il y aura le circuit raquette également ouvert. Alors ce qui est un petit peu plus dommage, c'est que les remontées mécaniques seront fermées au grand public, donc accroche-toi bien. Tu pourras aussi te rendre au Snowfoot du Self, le grand hôte et restaurant de la Chaume, donc qui sera ouvert également. Et le truc sympa, c'est une balade en traîneau avec des chiens. Voilà, ça se passera à partir de samedi 12 décembre. Présence sur le domaine skiable en fonction des réservations. Départ en haut du télésiège, il y a 6 places, il faut que tu réserves obligatoirement et uniquement par SMS. Prends ton stylo au 06 70 57 75 08. Voilà, c'était pour l'info de dernière minute. Mon Dieu, cette émission a été vraiment périlleuse pour moi et mon élocution. J'espère que tu m'auras bien comprise quand même. Mais oui, c'est bientôt le week-end, là. Il faut comprendre. Là, c'est la fin de la semaine pour tout le monde. En tout cas, je te remercie beaucoup, auditeur, d'avoir une nouvelle fois partagé ce moment avec moi. On se retrouve lundi avec Gaëtan qui nous parlera de la marque de vêtements Afly qu'il vient de créer avec son frère pour des vêtements en coton 100% bio. Ça se passe en direct avec moi à midi sur le 107 ou sur Radio Line ou sur Orange Radio. Mardi, on se retrouvera aussi en direct, mais cette fois-ci de la bulle avec Christophe Toussaint, que tu dois sûrement connaître. Hein. Il est assez connu dans le secteur, qui vient de sortir un ouvrage. Voilà, on va parler de tout ça avec lui. Et vendredi, ce sera la dernière de micro ouvert. Ça y est, c'est la dernière, la 15e et la dernière. Mais alors, vraiment, on va faire péter le champagne là parce que je serai en direct des studios avec mon invité. Voilà, il sera en direct avec moi mais directement sur place et ça me fait tellement plaisir. Mon invité ça sera Camille et on parlera de l'album qui vient de sortir avec les studios Airplay. Il y a plein de feats à l'intérieur avec Aïssat, Mamselle Letty, Décalcrou, etc. etc. Voilà, je t'en avais déjà passé un petit extrait dans l'une de mes émissions parce que je devais recevoir Camille juste avant que le confinement soit prononcé, mais bon voilà, on n'avait pas pu se voir. Eh bien je regarde par la fenêtre des studios de Radio Guémouzo et voilà, je t'annonce, auditeur, il neige. Voilà. Allez, je te laisse tranquille pour aujourd'hui. En attendant, eh bien, je te souhaite un très, très bon week-end. Surtout, eh bien, tu prends soin de toi et tu prends soin aussi des autres. Je t'embrasse très fort et voilà, je te dis à lundi.